قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. Le chapitre suivant. Chapitre: celui qui liait les liens de parenté dans la période anté-islamique, puis a embrassé l'islam, puis s'est converti. Je répète, quiconque a uni le lien de parenté dans la jahiliya, la jahiliya c'est la période anté-islamique, la période avant laquelle la révélation a été révélée sur le et a fait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le prophète d'Allah. Donc celui qui dans la jahiliya avait ce noble comportement, il liait les liens de parenté, puis a embrassé l'islam. Il s'est converti. Car en effet, avant l'islam, dans la péninsule arabique, certes, il y avait les pires péchés, le polythéisme. Il y avait Ash-shirku billah. Il y avait beaucoup de désordre et de corruption sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, ou cependant, il y avait de très nobles caractères et de très grands comportements. Parmi ces comportements-là, il y avait silatul rahim, le fait de lier et d'immensifier les liens de parenté. Et ce qui est voulu par cet intitulé, le chapitre de celui qui liait les liens de parenté dans la période anté-islamique puis s'est converti à l'islam, ce qui est voulu, hal lahu ajr ala dhalik, a-t-il une récompense pour cela? Ou alors, les œuvres accomplies avant la conversion à l'islam sont vaines, caduques, annulées et rejetées? Car Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui mécroit en la foi, ses œuvres sont très certainement vaines, caduques. Mais ici la question, est-ce que la conversion à l'islam maintient les bonnes œuvres passées? Et la personne se voit donc récompensée pour cela? L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, à travers ce chapitre, veut nous montrer que la réponse est positive. Oui, la personne a la récompense des bonnes œuvres passées, notamment le fait de lier les liens de parenté. Il tire donc profit des bonnes œuvres passées, des nobles caractères. عن حكيم ابن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير أسلمت على ما سلف من خير. Hakim ibn Hizam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: vois-tu des œuvres que j'accomplissais dans la jahiliya comme le lien de parenté, l'affranchissement d'esclaves, l'aumône? Serais-je récompensé pour tout cela? obtiendrai-je une récompense pour cela? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: tu seras récompensé pour tout ce que tu as fait de bien avant ta conversion. Tu seras récompensé pour tout ce que tu as fait comme bien avant ta conversion. Littéralement, tu t'es converti sur le bien passé. En d'autres termes, tu t'es converti et tu gardes tes bonnes œuvres passées. À travers la question de ce noble compagnon radiallahu anhu, on voit l'intelligence des compagnons et le fait qu'ils avaient compris la gravité du polythéisme et de la mécréance. Les sahaba avaient pleinement connaissance des effets du shirk et que parmi les pires dégâts du polythéisme, hubutul amal, l'anéantissement et la destruction des bonnes œuvres. En posant sa question, Hakim ibn Hizam a cité des exemples. En commençant par les liens de parenté, on voit donc l'importance de ce chapitre dans les nobles caractères. Il a également cité As-Sadaqa. On voit l'importance de l'aumône et de donner particulièrement aux gens dans le besoin. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond: aslamta, donc tu t'es converti, tu as embrassé l'islam, tu es soumis à la religion d'Allah azza wa jal, ala ma salafa ay ma qaddamt, tu t'es converti sur ce que tu as avancé, c'est-à-dire donc dans le passé, comme bien. Toutes les bonnes œuvres que tu as accompli avant l'islam, maintenant que tu as embrassé l'islam et que tu réponds à la condition du tawhid, de la sincérité, on te comptabilise les bonnes œuvres passées. Et ceci est une grande grâce d'Allah Azza wa Jal sur son serviteur. Car avant l'islam, la personne dans la mécréance, avant le tawhid, la personne est dans le polythéisme. Avant la guidée, la personne est dans l'égarement. Malgré tout cela, Allah Azza wa Jal guide partiellement ce serviteur et il faisait déjà avant son islam certaines bonnes œuvres et était doté notamment de certains bons comportements, bons caractères. Et parmi les choses étonnantes qu'Allah Azza wa Jal met dans le cœur de certains, c'est qu'avant même l'islam, tu trouves certaines personnes qui aiment le bien ou une partie du bien, font du bien, ont une forme de réforme. Et l'étonnement ne réside pas simplement dans cela, mais qu'il se peut que tu trouves chez certaines personnes se réclamant de la piété, de la droiture, dépourvues ou ayant de grandes lacunes dans ces chapitres. Tu trouves certains jeunes, par exemple, qui ont la vingtaine, moins, plus, qui en apparence sont sur la droiture. Naam. Ils apprennent la religion, mais ils manquent de respect à leurs parents. Élèvent leur voix sur leurs parents, ne leur obéissent pas. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils se disputent avec leurs parents. L'un d'eux-mêmes ne parle plus à ses parents. À l'inverse, tu trouves que la personne qui n'a pas une bonne religiosité respectait au plus haut point ses parents. Tu peux trouver une personne qui n'a pas de religiosité, mais qui n'est pas vulgaire, par exemple, qui n'insulte pas. Ou tu peux trouver une femme qui n'a pas de connaissance religieuse, qui accorde le plus profond respect à ses parents, le plus profond respect à son époux, et ainsi de suite. Donc, il ne suffit pas de se réclamer de l'islam pour être doté des meilleurs caractères. Il faut étudier l'islam, regarder quels sont les caractères qui élèvent cet islam, font s'élever cet islam sur toi, et les appliquer. Il y a également ici un encouragement à frapper à l'ensemble des portes du bien. Dans la question, on voit la diversité des bonnes œuvres. Dans la question, nous voyons la diversité des bonnes œuvres. Voici pour ce chapitre. J'oublie un point important. Il y a ici le chemin tracé pour ceux qui sont appelés les convertis, ceux qui ont embrassé l'islam, n'ayant pas des parents, forcément des parents musulmans. Il leur faut poser leurs questions, celles qui leur sont spécifiques. Ils sont forcément sujets à des situations qu'on ne trouve pas dans tous les foyers. Ils sont forcément sujets à des questions relatives à leurs parents, à leur environnement, à leurs proches. Ces cas particuliers, il ne faut pas hésiter à les exposer aux gens de science pour être orientés. Pour être orientés. Par la grâce d'Allah Azzawajal, la plupart d'entre eux, leurs parents voient le changement dans le bien, vers le bien. Mais il se peut que par l'ignorance de ce jeune converti, tu trouves le parent se plaindre de lui et accuser un changement vers le mal. Et lorsque tu interroges ce jeune, il pense et il a une vision erronée de la mise en pratique de l'islam, ce qui donne lieu à cette mauvaise perception de ses parents de l'islam. Donc il faut poser les questions, il faut apprendre. Il pense que telle et telle chose sont interdites, alors que c'est légiféré, c'est permis, et vice-versa. Le chapitre suivant, Babu silatu babun silatu lirrahim al-mushriki wal-hadiyya. Le chapitre suivant, chapitre maintenir le lien de parenté avec le proche associateur et lui offrir des cadeaux. Et lui offrir des cadeaux. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ce chapitre. Ce lien de parenté duquel nous parlons, duquel nous avons compris l'importance, les mérites, les bienfaits et les fruits délicieux. Est-ce qu'il est propre aux proches musulmans, ou est-ce qu'il faut lier les liens même avec ceux qui ne sont pas musulmans? Et dans le cas où il nous faut lier les liens même avec ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'il est permis et légiféré de leur offrir des cadeaux? عن ابن عمر رضي الله عنهما رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها أو لتلبسها أو لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne sous ce chapitre un hadith. Ibn Omar radiyallahu anhu a dit: Omar vit un vêtement, une toge en étoffe de laine à vendre. Faqala ya Rasulallah, il dit, ô messager d'Allah, pourquoi n'achètes-tu pas cette toge afin de la porter le vendredi lorsque des délégations viennent? Il répondit, ou plutôt afin de la porter le vendredi et lorsque des délégations viennent. Ou te viennent. Il répondit, ô Omar, seul celui qui n'a pas de part dans l'au-delà porte cet habit. Puis on offrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autres toges, et il en fit parvenir une à Omar. Omar s'est donc rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, tu m'as envoyé ceci. Comment cela est-il possible après ce que tu viens de me dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, je ne te l'ai pas offerte pour que tu la portes, mais afin que tu la vendes ou que tu l'offres. Je ne te l'ai pas offerte pour que tu la portes. Mais je ne te l'ai offert que pour que tu l'offres, ou plutôt que pour que tu la vendes, ou que tu l'offres. Omar l'envoya donc à l'un de ses frères du côté de sa mère, donc demi-frère maternel, polythéiste. Naam, polythéiste. Et ceci est la partie témoin dans le hadith pour laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith sous ce chapitre. Non. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salat wa salam a dit à Omar, ne portent ce genre de vêtements que ceux qui n'ont pas de part dans l'au-delà. Car ce vêtement contenait de la soie, contenait une part en soie. Et le prophète alayhi salat wa salam a dit au sujet de la soie et de l'or, ces deux-là sont licites à nos femmes, mais pas à nos hommes. Il n'est pas permis à l'homme de porter des vêtements de soie, de harir. Et il a dit, elles sont pour eux dans ce bas monde et pour nous dans l'au-delà, en parlant de celui qui n'est pas musulman. Il est bon que le serviteur d'Allah prenne soin de lui, s'embellisse. Si Allah Azzawajal lui a donné des moyens, Allah est beau, aime ce qui est beau. Et il aime voir les effets de son bienfait sur son serviteur. Si Allah t'a donné des moyens, il convient que tu porte de bons vêtements, de beaux vêtements, et que tu utilises ce qu'il t'a donné, ce qu'il a mis dans ta main comme bien, naam, dans le bienfait d'Allah Azzawajal, dans ce qui plaît à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais tu ne dois pas te vêtir de ce qu'Allah interdit. Et parmi ce qui est proscrit à l'homme, porter de l'or, porter de la soie, ou encore laisser descendre son vêtement sous les chevilles. Ou encore laisser descendre son vêtement sous les chevilles. Donc, la beauté, il faut la regarder à travers l'œil de la législation. Il y a un dénominateur commun pour juger de la beauté d'une chose, puis il y a certaines disparités relatives à tout un chacun, et au-dessus de tout cela, il y a la religion d'Allah Azzawajal qui nous met des limites. On voit dans ce hadith l'amour des compagnons pour le prophète alayhissalatu wassalam, au point où lorsqu'ils voyaient une belle chose, ils pensaient immédiatement au prophète alayhissalatu wassalam. Certaines personnes, de par l'amour qu'ils portent à leur mère, lorsqu'ils voient, ou lorsqu'ils, par exemple, pour les amateurs de pâtisserie, une belle pâtisserie ou une chose qu'ils aiment, ou un repas qu'ils aiment. Naam. Ben, ils pensent immédiatement à leur mère. Et se disent, elle aurait trop aimé cela. Elle aurait beaucoup apprécié cela. Alors, il achète et lui ramène. Il en consomme et il lui en ramène. Il mange un plat qui lui plaît, il connaît ses goûts, il dit, elle aimerait trop, il lui ramène. Ou il connaîtrait tellement, les goûts de son épouse, ou elle connaît tellement les goûts de son époux, qu'en voyant une chose à l'extérieur, ça fait penser à l'être aimé. Mais qui mérite le plus cet amour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui nous a enseigné qu'on ne sera pas véritablement croyant tant qu'on ne l'aimera pas plus que nos propres enfants, que nos propres parents. Et que l'ensemble des gens, plus encore que notre propre personne, comme dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, ou dans l'histoire de Omar ibn al-Khattab. Donc on voit ici un amour sincère et profond des compagnons pour le prophète alayhi salat wa salam, au point où lorsqu'ils voyaient une chose qu'ils aimaient, ils pensaient au prophète alayhi salat wa salam. On voit aussi que lorsque tu accueilles des personnes particulières, il est bon de porter une tenue particulière. Ou que pour un jour particulier, il est bon de porter une tenue particulière. Et c'est connu que les pieux prédécesseurs réservaient certains vêtements pour le Jum'a, mais également pour Qiyamul Layl, subhanallah. Pour Qiyamul Layl, lorsqu'il n'était vu de personne, si ce n'est par Allah Azzawajal, celui pour lequel il se levait. On voit également que lorsque tu ne comprends pas une chose, ou qu'une chose t'intrigue, pose la question. Pose la question. Et ne sois pas à l'image de celui qui ne comprend pas une situation et se met à critiquer son acteur. Non. Une chose t'intrigue. Pose la question. Toi, à ton niveau, pour toi, cela est une erreur, par exemple. Toi, à ton niveau, ça n'est pas sage. À ton niveau, et ainsi de suite. Mais c'est une personne de science, ou c'est une personne connue pour sa sagesse. Interroge-le. Tu dis par exemple, selon mes connaissances, selon ce que nous avons étudié, selon ce que j'ai lu, J'ai compris ceci et cela. Mais je suppose que tu as un texte que j'ignore, ou je suppose que, ou peux-tu m'éclaircir sur cela? Laisse-toi, ne sois pas fermé. Ne sois pas fermé, pensant maîtriser toute la science dans son entièreté. Non. Mais accuse ton ignorance, accuse tes connaissances. Et avec modestie et humilité, pose la question. Et très souvent, on t'éclairera. Ils disent, lorsque la cause est su, connue, l'étonnement disparaît. L'étonnement disparaît. Omar ibn Khattab s'étonne. Mais il a la réaction sage. Il pose la question au prophète alayhi salatu wassalam et il augmente ses connaissances. Donc, on pose la question lorsqu'on ne sait pas, ou lorsqu'on ne comprend pas, ou lorsqu'on est intrigué, et on ne parle pas en mal de la personne. Alors, Omar ibn Khattab a offert ce vêtement à un frère à lui, du côté de sa mère. Quel était le nom de ce frère? Il s'appelle Othman ibn Hakim. Othman ibn Hakim. Quelle est la conclusion? Ton proche, qui n'est pas musulman, il y a un lien qui vous lie que tu te dois de maintenir. Et il t'est même recommandé de lui faire des cadeaux et d'être bienfaisant envers lui. Tout ce que nous venons de dire, comme bienfaisance, comme comportement, c'est pour le proche qui est mouchrik, associateur, qui n'est donc pas musulman. Que dire alors du proche qui est croyant, qui se prosterne pour Allah, qui jeûne pour Allah, qui fait al-hajj pour Allah azza wa jal, qui sort la zakat pour Allah tabaraka wa ta'ala, qui adore et unifie le même Seigneur que toi, à plus forte raison. Il a le droit à ses liens de parenté, il a le droit à ses cadeaux, il a le droit à cette bienfaisance. Un des meilleurs fruits à tirer de cela, c'est que tu vas, avec l'aide d'Allah, il se peut que tu fasses pencher son cœur vers l'islam. Tu sois la cause de faire pencher son cœur vers l'islam. Et qu'il aime cet islam. Et la plupart, subhanallah, la plupart de ceux qui ont embrassé l'islam dans certains de nos pays, naam, a été de voir la probité, la droiture des musulmans à travers le commerce, à travers les engagements, à travers le bon comportement. Et ceux que nous connaissons parmi ceux qui se sont convertis pour cette cause sont indénombrables. Lorsqu'ils venaient dans les familles musulmanes, qu'ils voyaient les liens, qu'ils voyaient l'hospitalité, qu'ils voyaient la gentillesse, ça a été la cause de leur conversion. Le chapitre suivant, Babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum. Apprenez votre lignée afin d'unir vos liens de parenté. Apprenez de votre lignée ce par quoi vous allez pouvoir lier les liens de parenté. Ce chapitre est le dernier chapitre mentionné par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le sujet des liens de parenté. Lier les liens de parenté, comme nous l'avons compris, est une obligation religieuse. Et pour ce faire, il faut connaître ses proches. Si tu ignores qui sont tes parents, qui sont tes frères, qui sont tes sœurs, qui sont tes neveux, qui sont tes nièces, qui sont tes oncles, qui sont tes tantes, que ce soit du côté maternel, du côté paternel, qui sont tes cousins, comment est-ce que tu pourras lier les liens de parenté? Ainsi, il est obligatoire de connaître de ces liens de parenté ce qui va nous permettre de les lier. Et cela des deux côtés, du côté du père comme du côté de la mère. Certains lient les liens de parenté selon le goût, selon les affinités, ou selon le besoin. Non. Que ce soit du côté du père ou du côté de la mère, c'est un acte qu'Allah Azzawajal t'a légiféré. Donc tu dois le faire par soumission à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et cela commence petit. Cela commence petit. Contrairement à celui qui, une fois que ses parents, ses enfants ont atteint 18 ans, 20 ans, 25 ans, il lui dit, un tel, c'est ton oncle. Naam. Un tel, c'est ton oncle. Ou un tel, c'est ton frère. D'une autre mère, et ainsi de suite. Sans aucun doute, ceci est une erreur. Alors que ils sont présents dans la même mazah, dans le même lieu géographiquement parlant. Ceci est le rôle des parents. À chaque occasion, lorsqu'il a une assise, il lui montre. Il lui dit, un tel, c'est de notre famille, puis lui explique le lien. Un tel, c'est de notre famille, puis il lui explique le lien. Et en faisant cela régulièrement, Naam, en faisant cela régulièrement, tout comme en lui disant, en chemin, nous allons visiter ton oncle. Mon frère, nous allons visiter ta tante, nous allons visiter ton cousin, nous allons visiter. Ben, ça l'éduquera. Et il mémorisera. Et il mettra chacun à son niveau. Il mettra chacun à son niveau. Et à son tour, il reproduira cela. Wa ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Ainsi, ça préservera la lignée, ça liera les liens de parenté, et un point très important, ça évitera des mariages qui sont illicites. Parce que s'il ne sait pas que telle femme, il a avec elle une parenté qui lui interdit le mariage, il se peut qu'il tombe dans le péché, subhanallah. En pensant se rapprocher d'Allah, il se peut qu'il tombe dans le péché. Il se peut que son cœur penche vers une femme qui lui est illicite. Alors que si, depuis petit, on lui a appris Naam, ses liens, à ce moment-là, il sera préservé. Barakallahu fikoum. Et parmi les grosses erreurs, les parents qui mettent les liens de parenté pour leurs enfants selon le copinage. C'est-à-dire que s'ils s'entendent bien avec un proche, ils font en sorte que leurs enfants l'aiment et lient les liens de parenté avec. Et dans le cas contraire, ils font en sorte, ça n'est pas ils ne lient pas, non, pire que ça, ils font en sorte que leurs enfants les détestent. Wal'iyadu billah. Et parfois, lorsque tu rentres en profondeur, tu vois que c'est le parent lui-même qui est en tort. Et dans tous les cas, il est en tort. Dans tous les cas, il est en tort. D'éduquer l'enfant sur le fait de détester ses proches. S'il y a une chose à exposer, il l'expose avec science et sagesse selon l'âge et le degré de compréhension de l'enfant. Mais de là à sectariser l'enfant et fanatiser l'enfant et le rentrer dans ces choses-là, c'est très grave. C'est pour cela que tu trouves des fratries entières, des familles entières, qui ne visite pas tel oncle ou telle tante. En remontant, tu vois qu'il y avait un différend et qu'ils ont été éduqués depuis leur plus jeune âge à détester telle partie de leur famille. Ceci est gravissime. Et on a lu les hadiths sur la gravité de rompre les liens de parenté. Le hadith عن جبير ابن متعم رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous dit, selon Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, il a entendu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu alors qu'il était sur al-Minbar, sur la chair. Ta'allamu ansabakum, apprenez votre lignée, votre généalogie. Puis, liez, puis maintenez vos liens de parenté. Par Allah, un différend peut surgir entre un homme et son frère. Mais si tous deux savaient ce qu'il y a comme lien de parenté, comme droit de parenté entre eux, ils se seraient retenus de commettre un abus. Il se serait retenu de bafouer ce droit. Remarquez la parole de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Apprenez votre généalogie, apprenez votre ligne, puis liez les liens de parenté. On comprend une chose très importante ici. Al-ilm qabl al-qawli wal-amal. Il faut la science avant la parole et les actes. Comment peux-tu lier les liens de parenté si tu ignores qui ils sont? Donc tu dois d'abord apprendre. Tu dois d'abord apprendre. Même l'enfant qui a été meurtri au plus profond de lui, car il a eu la grosse épreuve de l'abandon de l'un de ses parents, il doit le rechercher. Il doit mener son enquête. Il doit essayer, ne pas dire j'ai envoyé un message une fois, il ne m'a pas répondu, ou j'ai appelé une fois. Non, il doit chercher de temps à autre, il doit faire les causes. Il doit invoquer Allah Azza wa Jal. Ne serait-ce que pour appliquer l'ordre d'Allah. Ne serait-ce que pour se soumettre à son Seigneur. Avant même d'arriver au niveau de lui faire du bien et de... Non. La première étape, imtithal li amrillah. Pour Allah Azza wa Jal. Donc il faut la science pour pouvoir appliquer. Il faut la science pour pouvoir appliquer. Et au pays, ils ont cette chose-là d'une manière, subhanallah, proche de la plénitude. D'une manière proche de la plénitude. Nos parents ne savaient pas lire. Pour ma part, ma mère, rahimahallah, n'a pas appris. Elle n'a pas fait d'études. Mon père, pareillement, il a appris à lire seul. Mais je n'ai jamais vu de ma vie une personne comme mon père dans le fait de lier les liens de parenté. Il se déplace régulièrement à des heures ou une heure pour aller visiter une personne de sa famille. Il n'y reste même pas une heure et il repart. Et petit nous faisait faire cela et pour nous c'était lourd. Car on ne connaissait pas la législation d'Allah Azzawajal parfaite. Car on était distrait et on préférait jouer et faire du sport. Na'am, et perdre notre temps. Et alhamdoulilah, depuis qu'on entend, on le voit sur cela. Que ce soit en prenant les transports, le plus souvent, ou en voiture, ils se visitent. Et que ce soit en France ou que ce soit au Mali. Et ça, yani c'est, on le trouve dans notre législation. On le trouve dans notre législation, tout comme par la suite on le trouve dans nos coutumes. Dès que tu croises une personne avec lui, il la salue, il te dit c'est un tel. Sa grand-mère et notre et la grand-mère ont le même père. Ils connaissent par cœur, subhanallah, d'une manière détaillée qui est impressionnante. Lui, c'est notre cousin. Car sa grand-mère, car son arrière-grand-mère, car son grand-père, avec notre grand-mère, ils ont tel lien. Ils connaissent par cœur, subhanallah. Pourquoi? Parce que depuis petit, ils immensifient ce chapitre-là. Comme je n'ai jamais vu chez un étudiant en sciences. Comme je n'ai jamais vu chez un étudiant en sciences. Hafidahullah waffaqa wa shafa. Donc, il faut la connaissance des proches pour pouvoir lier les liens de parenté. Plus loin, on nous dit qu'il se peut qu'il y ait un différend entre deux hommes. Mais s'ils savaient le lien de parenté qu'il y a entre eux, cela aurait eu quel effet? Cela aurait eu pour effet d'enlever dans le cœur l'inimitié entre les deux. Cela aurait eu pour effet d'empêcher l'un de bafouer le droit de l'autre, car il a un lien de parenté avec lui. Car il a un lien de parenté avec lui. Je vais vous donner un exemple pour rapprocher cette science à notre esprit. Parfois, tu vois un enfant turbulent. Alors une chose s'installe dans ton cœur à son égard. Peu de temps après, tu apprends que c'est l'enfant d'un ami qui t'est cher et qui t'a fait du bien dans ta vie et que tu apprécies tout particulièrement. Immédiatement, cette chose sort de ton cœur. Ou tu rencontres une personne et on t'indique que c'est le neveu d'un tel, le fils d'un tel ou le frère d'un tel que tu aimes énormément. Il ne fait pas partie de tes proches parents. Mais le simple fait de savoir qu'il a un lien de parenté, lui, avec une personne que tu affectionnes tout particulièrement, tu as envie de lui faire du bien. Tu l'aimes avant de le connaître peut-être, subhanallah. Pourquoi? Tu l'aimes par amour que tu as pour ton ami. Il se peut que tu aimes les parents d'un ami proche à toi, naam, ou le frère de ton ami proche, alors que tu n'es pas forcément en contact avec eux. Mais lorsque tu les vois ou lorsque tu les rencontres, tu as naturellement envie de leur faire du bien. Et tu leur accordes une attention toute particulière. S'il en est ainsi pour les amis, à plus forte raison, dans le domaine, dans le chapitre des liens de parenté. Barakallahu fikoum. Et on voit que entre deux personnes, même qui s'apprécient, il se peut qu'il y ait des différends, il se peut qu'il y ait une dispute, il se peut qu'il y ait une mésentente, un quiproquo, un malentendu, ou une injustice. Ou une injustice. Kullu bani Adam khata. Et ça n'est pas parce qu'une personne a fait une faute qu'elle doit être bannie. Qu'elle doit être bannie. Il faut patienter, il faut excuser souvent, reprendre parfois, il faut conseiller, il faut orienter, il faut supporter et te dire si toi on t'a fait ça, toi aussi tu as fait. Si toi on t'a fait ça, toi aussi tu as fait. Et combien de fois ils ont laissé passer? Et combien de fois ils ont laissé passer? Naam. Omar ibn Khattab, à quel moment il a transmis, ou il a dispensé ces leçons-là? Il était sur le minbar. Il est sur le minbar, il parle des liens de parenté. Ça nous montre quoi? L'importance de ce sujet. Ça nous montre l'importance d'étudier, de connaître sa parenté. Et une œuvre, yani je vous mentionne une chose personnelle pour essayer d'être miftahun lil khair, une clé du bien. Naam, c'est qu'un de, yani, on a convenu avec certains proches et cousins, mes plus proches, l'enfant de mon oncle paternel, de faire un arbre généalogique. Naam, et j'encourage Et il y a parfois dans les familles des gens qui, yani qui ont des connaissances dans la calligraphie ou autre, ou dans le dessin. Naam. Yani c'est une bonne chose que d'écrire, de consigner, et à chaque fois, vous montrez ça aux proches, aux enfants, aux frères, et ainsi de suite. Puis, il y aura des nouvelles naissances, et vos enfants, eux aussi, vont donner naissance à d'autres, et ça va se perpétuer. Naam, et ça va se perpétuer. Barakallahu fikum. Une autre faïda, c'est que la connaissance des liens de parenté amène à la pureté des cœurs et à la pureté des relations. Et à la pureté des relations. Pour finir, remarquez qu'Omar ibn Khattab a juré, il a dit Wallah. Naam, il a juré pour immensifier cette chose et pour attirer notre attention sur l'importance de ce chapitre. Sur l'importance de ce chapitre. Est-ce qu'on a compris l'importance de ce chapitre? Donc, en sachant qu'un tel fait partie de tes plus proches parents, ça nettoie le cœur. Ça nettoie le cœur. Mais pour ce faire, il y a deux conditions. La première, c'est d'étudier les liens de parenté et de savoir qui fait partie de tes proches et qui n'en fait pas partie. Naam. Et la deuxième, c'est de comprendre l'importance de ce chapitre pour l'appliquer. À notre époque, particulièrement dans les pays occidentaux, ils sont concentrés sur leur propre personne. Ils ignorent leur généalogie. Donc, les différents familiaux se sont multipliés. Ils se sont multipliés. Il y a des guerres. Naam. Avant, les familles se liaient pour se défendre contre autrui. Là, les guerres, elles sont intrafamiliales. Les liens sont brisés. Il y a des différends à l'intérieur de la famille. Et pourquoi? Pour des choses insignifiantes. Pour des quiproquos. Pour des suppositions ou pour des colporteurs et de fauteurs de troubles, des semeurs de troubles. Puis ça reste et ça se perpétue dans les enfants. Et le shaitan se joue d'eux et brise les liens qu'Allah a ordonnés. Pour finir, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يحفظ أن أنه قال يحفظ أنسابكم تصل أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة وإن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما a dit: Apprenez votre lignée et vous maintiendrez vos liens de parenté. En effet, jamais un lien de parenté ne sera loin si on le maintient, comme il ne sera jamais proche si on le rompt. Le jour de la résurrection, chaque lien de parenté viendra devant la personne pour témoigner en sa faveur s'il le maintenait ou en sa défaveur. Si il le rompait. On comprend de ce texte qu'en apprenant les liens de parenté, on pourra les maintenir. À l'inverse, si on ignore les liens de parenté, on les brisera. On ne les maintiendra pas. On nous mentionne également ici que la proximité, c'est la proximité du cœur. Et l'éloignement, c'est l'éloignement du cœur. Le proche, si tu le rapproches de toi, même s'il habite loin, tu le sentiras proche. Et le proche, même si c'est ton voisin et que tu l'éloignes de toi, naam, tu le sentiras loin. La proximité, en réalité, c'est la proximité des cœurs. Il se peut que tu aies un ami qui habite dans une autre ville ou dans un autre pays. Subhanallah, on dirait que quotidiennement tu le rencontres. Vous vous écrivez. Vous vous appelez, vous partagez la science, vous partagez la connaissance, vous vous encouragez. Subhanallah, comme si vous étiez voisin. À l'inverse, il y a des gens qui habitent proche de toi, mais tu ne ressens pas cela pour eux. Donc la réelle proximité, retenez cela, c'est la proximité du cœur. Et le réel éloignement, c'est l'éloignement du cœur. On voit ici at-targhib wa at-targhib. le désir et l'effroi. On nous fait désirer de lier les liens de parenté et on nous effraie de rompre les liens de parenté. Pourquoi ? Car le jour de la résurrection, les liens viendront pour témoigner le jour de la résurrection, pour ou contre nous. Pour ou contre nous. Et dans cela, on voit la perfection de l'éducation qu'il y a eu chez les compagnons reçus du prophète, alayhi salat wa salam, transmis par Jibril, énoncé par Allah tabaraka wa ta'ala dans la révélation. C'est que on appelle les gens à faire le bien et on les encourage à cela. On avertit les gens contre le mal et on les décourage de cela. C'est ainsi que la droiture s'opère. Quant à ceux qui se pensent dans un bas monde, pas déjà dans le paradis, et où il n'y a que le bien, où il n'y a aucun mal, et qu'ils ne veulent parler que du bien, et ne pas avertir contre le mal, et ne pas mettre en garde contre les gens du mal, ces gens-là ne sont pas sur le chemin du Qur'an. Ils ne sont pas sur le chemin de la Sunna. Ils enjolivent à leurs enfants ce bas monde, na'am, et ces enfants-là grandissent en pensant que tout est beau et que tout le monde est gentil. Puis, ils tombent dans les pièges et dans les filets du shaitan. Il faut apprendre le bien, le connaître pour l'appliquer. Mais il faut également connaître le mal pour le redouter et s'en éloigner. هذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.